qu'il y a devant, mon qu'est-ce qu'il y a d'évident. Évidemment, comme j'avance en déconnant, dans un vide ahurissant, sans voir ce qu'il y a devant, mon qu'est-ce qu'il y a d'évident, comme moi. See you.